I love you. I love you. Te quiero. Te quiero. Te amo. Te amo. Je t'aime. Tu es belle, tu sais. Tu es encore plus belle. Te souviens-tu de l'été dernier? Te souviens-tu? Et de notre nuit? Seul sur la plage. Pour moi, rien n'a changé. Et aujourd'hui encore, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Je voudrais te dire tant de choses. Mais quand tu lances ta joue contre ma joue et ton corps qui frôle le mien, quand je sens ton cœur qui bat et ton souffle sur mon cou, je ne peux plus rien dire d'autre que